Chapitre 4. Charmante soirée. Le génial précurseur l'avait dit avec inconscience à son disciple Lamorse. Le jeudi de la semaine suivante, la baronne Bancambre donna en effet congé à tout son personnel, ne gardant que le cuisinier et le maître d'hôtel pour assurer le service du dîner. Quant au baron Bancambre, il se rendit à son dîner d'actionnaire. Paulin Broquet sut en effet où se donnait ce dîner d'actionnaire. Parmi les garçons qui devaient le servir se trouvait le clown Simon, avec la mission de s'assurer que le comte de la Guérinière y assistait et la consigne de ne pas le perdre de vue un seul instant. Il fut ce dîner ce que bien souvent sont ces dîners d'actionnaires, une partie fine entre amis du même cercle et deux jolies femmes. Ce fut aussi une charmante soirée selon l'expression du poète. Les hommes montrèrent un entrain superbe, les femmes parurent délicieuses. Le baron Bancambre se trouvait entre deux chanteuses destinant l'une à l'opéra, l'autre à l'opéra comique, et qui cherchaient dans la finance et la politique des pistons pour appuyer leur engagement. Les chanteuses, très en beauté, riaient à tous les propos que leur débitait ce baron très millionnaire. De son côté, le financier Gutelard s'intéressait fort à une petite danseuse à qui, avec son accent caractéristique, il disait tout bas des choses qu'il croyait éminemment spirituelles et dont la danseuse s'esclaffait. Gutelard était fort allumé. On lui avait certifié que la petite danseuse n'avait pas tout à fait 17 ans. La petite danseuse, fort jolie d'ailleurs, permettait de le croire. Mais il est fort probable que cet air de fillette, ce corps fluet, un peu anguleux et maigrichon, cette coiffure bébé, lui donnait le droit de n'avoir pas tout à fait 17 ans, depuis déjà 7 ou 8 printemps au moins. Mais on n'est heureux que par l'illusion. Le financier Gutelard, n'aimant que les petites filles, s'empressait philosophiquement d'aimer celles qui seulement en offraient l'apparence. Quant au comte de la Guérinière, il fut, comme toujours, amusant, gai, boulevardier, plein d'esprit. En riant, il dit au financier radieux « Prenez garde, mon cher, vous serez rongé par les rats. Les rats qui n'ont que leurs dents de lait sont les plus terribles. » Lucette Minois avait assisté au dîner, mais elle était partie à l'heure de paraître en scène. Elle devait revenir auprès du comte de la Guérinière après le spectacle, et la fête continuait joyeusement, promettait de ne pas finir avant le grand jour. Pendant ce temps, à l'hôtel du baron Bancambre, l'imposante et tendre baronne dînait très poétiquement avec le précurseur Antime Souffray. Le dîner fini, le café fut servi dans le petit salon. La baronne tint à sucrer elle-même, de ses doigts surchargés de bagues, la tasse de son poète. Puis elle se mit au piano pour qu'il digère en musique le bon dîner qu'il venait de faire. Excellente musicienne au demeurant, elle le berça dans des flots d'harmonie. « J'ai composé cela, dit-elle en minaudant, en pensant à vous, mon poète. » Antime Souffray eut de la main un petit geste de condescendance. Puis il se mit à digérer, après que la baronne l'eut débarrassé de sa tasse vide. Le maigre précurseur, dont le menu ordinaire se composait de pâté de foie, pour qui l'escalope de veau aux épinards constituait un régal, et qui au jour de gala allait jusqu'à s'offrir une entrecôte Bercy, le maigre précurseur, en ce moment, les yeux mi-clos, s'enfonçait béatement dans un moelleux fauteuil. Les mains ramenées sur son ventre étonné de contenir ce soir tant de bonnes choses, il sommeillait doucement en musique. Il laissait, avec les fumées des vins fins, son génial esprit s'envoler vers un pays bleu où les poètes comme lui sont appréciés à leur juste valeur. Un ciel dans lequel les odalisques légères et copieuses à la fois, vêtues de longues écharpes étoilées, voltigent parmi l'encens et les fleurs, avec un sourire idéal, offrant aux poètes comme lui, sur des plats d'or, des suprêmes de foie gras, des truffes, et versant dans leurs coupes baguées de gemmes rares de l'ambroisie qui mousse. Tout à coup il lui sembla qu'un cataclysme bouleversait ce pays. Ce fut comme un épouvantable tremblement de terre qui jetait tout à bas. Lui-même, le poète, il se sentit bousculé, remué, ballotté effroyablement, puis il subit un choc, et tout son maigre corps, cette enveloppe étroite, anguleuse et pointue de son âme immense et magnifique, se crispa dans une atroce douleur. Tiré subitement de son assoupissement voluptueux, il se réveilla dans un effarement d'angoisse. Il voulut crier, il ne put articuler qu'un grognement. Il chercha à remuer, ce lui fut impossible. Cependant, il parvint à ouvrir les yeux, et il acquit l'affreuse certitude que ce qu'il prenait pour un cauchemar n'était pas, hélas, imaginaire, mais absolument réel. Le poète précurseur se vit ficelé, bâillonné et roulé à terre, Près de lui, la baronne évanouie, bâillonnait aussi, pieds et poings liés. Alors Antime souffrait douloureusement, se dit « Décidément, avec la baronne, je ne pourrai jamais avoir une soirée tranquille. » Ses terreurs augmentèrent de façon intraduisible, parce qu'en s'éloignant, les hommes qui venaient de le ligoter, de le bâillonner, prirent la précaution de tourner les boutons électriques et de plonger le petit salon dans l'obscurité la plus profonde. Or, Antime Souffray était un génie de lumière. Il n'aimait pas l'obscurité, il avait peur la nuit, surtout en pareilles circonstances. En remuant, en gesticulant, il essaya rageusement de défaire ses liens, mais il n'arriva qu'à ébranler une console supportant un grand vase rempli de fleurs. Les fleurs tombèrent sur lui. Certes, le poète précurseur devait trouver tout naturel d'être ainsi couvert de pétales odorants. Mais avec les fleurs était tombé le vase, et le poète reçut une douche glacée. Maintenant, transi, redoutant un nouveau déluge, par prudence, Antime Souffray prit le sage parti de ne plus bouger. Il se tint tranquille, nageant dans sa mare tel un canard. Un canard, lui, ce cygne! Combien de temps demeura-t-il ainsi? Ce fut trop longtemps à son gré. Enfin, à l'étage supérieur, où se trouvaient les appartements du baron et de la baronne, des bruits de pas pressés, de meubles bousculés, d'objets renversés et brisés, de portes violemment fermées se firent entendre. Puis, des appels de sifflets stridents, des cris et enfin des coups de revolver. Cela n'était pas pour rassurer Antime Souffray. Certains d'avoir tout le temps à eux et de n'être pas dérangés, les bandits s'étaient mis en mesure de piller comme il convenait le coffre-fort du baron Vancambre. Précisément, deux jours auparavant, le baron avait fait acquisition de valeurs au porteur pour une forte somme et opéré quelques rentrées sérieuses. Cet argent qu'il gardait provisoirement chez lui, il devait l'employer sous peu à une spéculation dont il avait parlé à son ami Guttlar devant leur ami commun, le comte de la Guérinière. Dans son coffre-fort, outre l'argent courant, qui était de 100 et quelques 1000 francs qu'il tenait toujours en réserve, le baron gardait ces jours-ci, contre son habitude, plus de 2 millions d'argent ou de valeurs diverses, sans compter les diamants que sa femme lui confiait maintenant et qui étaient d'une beauté merveilleuse, d'un prix inestimable. Et voici que, précisément, le soir où le baron dînait en galante compagnie avec Guttlar et la Guérinière, la baronne donnait congé à ses gens qu'elle est assistée à une fête de gens de maison. Comme le baron, au moment de partir pour son dîner d'actionnaire, manifestait galamment quelque inquiétude de laisser sa femme si seule, la baronne le rassura. « Je prierai, monsieur Souffray, de me tenir compagnie. Nous ferons de la poésie, de la musique, jusqu'à votre retour, ou la rentrée de nos gens. » Rassuré tout à fait, le baron, le cœur léger, alla dîner avec les membres du conseil d'administration que nous connaissons. Bien à leur aise, donc, les cambrioleurs pénétrèrent dans l'hôtel du baron Vancambre et commencèrent leur opération. Paulin Broquet tenait pour certain que l'hôtel du baron devait être pillé ce soir. Il ne se trompait pas. L'amorce avait encore fait jaser le discret poète. Il savait que les diamants de la baronne se trouvaient dans le coffre-fort du baron au premier étage. Il savait que les domestiques avaient congé. Il savait que la maison serait pour ainsi dire déserte. « Le coup est bien préparé, » pensa le détective. De son côté, il disposa avec sa prudence habituelle, son habileté remarquable, la souricière dans laquelle les aides devaient tomber. Il tendit les filets qui retiendraient Zigomar et sa bande. Le clown Simon, qui servait à table, lui fit parvenir plusieurs fois l'assurance que le comte de la Guérinière se trouvait au banquet, qu'il ne quittait pas ses amis Guttlar et le baron Vancambre. Paulin Broquet dit à ses lieutenants Gabriel et Lamorce « Vous vous rappelez, mes bons amis, que chaque fois que les aides ont fait un beau coup, le comte de la Guérinière, ostensiblement, paradait dans une fête qu'il donnait ou à laquelle il assistait. C'est vrai, chef. Donc, ce soir, comme de coutume, le comte de la Guérinière est au dîner d'actionnaires, pendant que le comte de la Guérinière opère son cambriolage. » Un fait donnait encore grand crédit à cette opinion déjà plusieurs fois trouvée exacte. Le comte de la Guérinière assistait seul à ce dîner joyeux, c'est-à-dire que ses proches amis, autres que le baron Vancambre et le financier Guttlar, ne se trouvaient pas avec lui. En effet, le décoratif baron Dupont, qui devait être naturellement de la partie fine, envoya au dernier moment un télégramme pour s'excuser, annonçant qu'il était souffrant. Le baron Dujard, depuis 2 jours, était absent de Paris. Quant au comte de Marnay, nous savons de quelle façon tragique, au château de Briailles, Zigomar lui-même avait rayé du banquet de la vie cet infortuné convive. Mais, pour Paulin Broquet, cette soudaine indisposition du superbe baron Dupont et cette absence du baron du Jard signifiaient tout simplement que ces deux amis intimes du comte de la Guérinière étaient allés prêter leur précieux concours à Zigomard. Donc, Paulin Broquet avait disposé ses hommes tout autour du pâté de maison dans lequel se trouvait l'hôtel du baron. La consigne était de laisser passer tout le monde, mais de filer qui sortirait de la souricière et un peu plus loin de l'arrêter, de l'embarquer dans une voiture et de l'emmener en lieu sûr. Mais on n'eut plus à mettre à exécution cette partie de la consigne. Personne de suspect ne tenta de franchir le cordon de la souricière. Paulin Broquet se tenait dissimulé à quelques pas de l'hôtel depuis de longues heures. Patiemment, il attendait, il épiait, il guettait, mais sans rien remarquer d'anormal. Personne ne parut aux environs de l'hôtel, personne ne pénétra dans la maison. « Est-ce que nous perdrions notre temps par hasard ?» dit le détective à ses lieutenants. « Est-ce que nous serions roulés par Zigomard ?» Gabriel et Lamorce ne surent que répondre à leur chef. « Voilà longtemps que nous sommes ici pour rien. C'est cependant l'heure à laquelle raisonnablement le coup devrait se faire. Nous ne voyons rien bouger. De plus, les aides, gens prudents cependant, habiles, n'ont pas établi de contre-souricière, ne se gardent pas. Je ne vois pas pourquoi ils commettraient cette faute. » Deux hypothèses se présentent à nous dès maintenant. Ou bien le coup est déjà fait, ou bien pour une raison qui nous échappe, l'affaire est remise. « Je ne crois pas, chef, » dit Lamorce. « Le coup est trop bien préparé. Les circonstances sont trop favorables pour que rien ne se passe ce soir. Attendons encore. » Ce fut la venue d'un passant qui vint redonner espoir au détective. Ce passant, toutefois, n'offrait rien de particulièrement remarquable, rien qui le désignât à l'attention. C'était un homme jeune encore, correctement vêtu, qui semblait revenir du cercle, du théâtre, et rentrer chez lui à pied par cette belle nuit. Arrivé à la hauteur de l'hôtel du baron Vancambre, ce passant aux allures paisibles et naturelles s'arrêta tout à coup. Il regarda de tous côtés, écouta, avec attention sonda la rue. Puis il se mit à éternuer trois fois de suite très violemment. « Oh oh !» dit Paulin Broquet. « Voilà un homme qui a besoin, pour éternuer, de s'assurer que personne ne peut le voir ou l'entendre. » Et l'homme ayant éternué attendit sur le trottoir opposé, regardant du côté de l'hôtel où nulle lumière n'apparaissait. Il n'attendit pas trop longtemps. Deux minutes plus tard, une croisée de l'étage où se trouvait l'appartement du baron s'ouvrit doucement, sans bruit, et un mouchoir blanc fut agité. « Bien, » fit Paulin Broquet. « On fait savoir à l'homme qui commence à s'enrhumer qu'il doit se servir de mouchoir. Rien de mieux. » Et il ajouta. « On nous fait savoir également que le coup est bien pour ce soir. » Qu'on est dans la maison, en train d'opérer. Parfait. » Il se demanda. « Mais quand et par où sont-ils entrés dans la maison ?» Cependant, Paulin Broquet, sans vouloir en ce moment éclaircir ce point, dit à Gabriel. « Allons-y. Bien, chef. Nos hommes sont là, tous à leur poste. » Silencieusement, ils quittèrent leur cachette, et quand à leur tour ils se furent assurés que personne dans la rue ne les voyait, que l'homme à l'éternuement était passé et avait tourné la rue, ils s'avancèrent vers l'hôtel Vancambre. L'enrhumé était assurément la sentinelle chargée de surveiller la rue et qui probablement devait, à certaines heures, demander des instructions à ceux qui travaillaient dans la maison ou les renseigner. Par des signaux convenus, tels que le mouchoir agité, on lui faisait entendre ce qu'il fallait faire, de même que par ses éternuements il disait que tout allait bien, qu'il n'y avait rien à craindre ou annonçait un danger. Paulin Broquet savait que pour pénétrer ce soir dans l'hôtel, il fallait absolument se garder de sonner et de se faire ouvrir la porte. C'était logique, on le comprend. Mais sonner et annoncer sa venue d'ailleurs n'était pas dans son intention. Il négligea la grande porte à large battant par où les maîtres entraient ou sortaient en voiture. Il ne se soucia même pas de la porte percée dans l'un des battants qui donnait accès aux piétons. Il avait pu se procurer depuis quelques jours la clé de la petite porte de service. Ce soir, cette porte ne serait sans doute pas fermée au guichet intérieur, puisque tous les domestiques devaient entrer par la cour pour leur tour. En passant tout à l'heure devant la maison, Paulin Broquet, par précaution, avait eu l'adresse de donner à la serrure un tour de clé, de sorte que seul le pêne tenait la porte maintenant. Ainsi, il devenait très facile de pénétrer sur une simple pression de clé. Ce fut aisément opéré. Paulin Broquet ouvrit la porte tout doucement. Mais il se garda bien de pénétrer d'un coup dans la maison. Quelqu'un pouvait être derrière cette porte, un des cambrioleurs à l'affût, qu'il aurait saisi, pris, ligoté avant qu'il ait pu tenter la moindre défense. Paulin Broquet, ayant ouvert la porte, ne la poussa pas pour se donner passage, ainsi qu'on fait d'habitude, mais au lieu de s'engager tout droit, il se baissa et entra comme s'il marchait sur les genoux. Agissant ainsi, il surprenait l'homme qui derrière la porte se tenait, s'il y en avait un comme il était à craindre, car on s'attend toujours, quand une porte s'ouvre, à voir paraître quelqu'un de grandeur humaine, debout, et non pas un homme marchant comme un chien. On s'apprête à le frapper à la tête, à le saisir par le milieu du corps. Mais que voulez-vous faire sur un homme qui se présente à quatre pattes? Paulin Broquet comptait dans ce cas surprendre l'homme aux aguets. Il profiterait de son étonnement, et avant qu'il ait eu le temps de se remettre et de lui plonger un poignard dans le dos, seul danger à courir, il saisirait cet homme par les jambes et le jetterait à terre. Mais derrière la porte, à son grand étonnement, il ne trouva personne. Alors il se dressa et fit signe à Gabriel. Après Gabriel, l'amorce pénétra. Quelques hommes suivirent, pendant que d'autres veillaient au dehors, s'apprêtant à ne laisser personne sortir de l'hôtel et à courir au premier signal pour seconder ou secourir le chef. L'expédition était préparée comme savait le faire Paulin Broquet. Avec ses lieutenants, ses hommes chassés de souliers à semelles de buffles saupoudrés de résine pour ne pas glisser sur les parquets cirés, il pénétra dans l'hôtel par le couloir qui conduisait aux cuisines qu'utilisaient les gens de service et les fournisseurs. La porte de la cuisine était fermée, mais de la lumière filtrait sous le battant. Il y avait peut-être quelqu'un dans l'office. C'était un sérieux obstacle. Et Paulin Broquet écouta, colla son oreille à la serrure. Il perçut de sonores ronflements. Alors il ouvrit la porte, doucement, tout doucement. Sur leur chaise, il vit, appuyé à la table encore chargée de plats et de bouteilles, ou renversé sur le dossier, mais dormant très profondément, le maître d'hôtel, le chef et son aide. En entrant, une vague odeur opiacée le frappa. Il devina ce qui avait dû se passer ici. D'ailleurs, une quatrième chaise inoccupée le lui certifiait. Un ami des domestiques était venu leur tenir compagnie et dîner avec eux. Cet ami leur avait offert des cigarettes ou des cigares préparés qui les avaient plongés dans ce bon sommeil dont les cambrioleurs devaient profiter et par contre-coup, Paulin Broquet. Sans plus se préoccuper de ces dormeurs, Paulin Broquet et ses hommes passèrent dans les appartements. Le silence, maintenant, régnait dans toute la maison. Le piano, dont tout à l'heure encore les sons passaient au dehors, s'était tu soudain, brusquement, au milieu d'une phrase mélodique. Paulin Broquet se souvint de Françoise de Rimini, qui, parcourant avec son bien-aimé Paolo le livre chéri, un soir ne lut pas plus avant et cessa soudain de lire. Il se souvint de Juliette qui, devant Roméo, ne pouvait finir la phrase commencée. Mais pouvait-on évoquer ces images charmantes et gracieuses quand il s'agissait de l'imposante baronne Vancambre et du diaphane précurseur Antime Souffray? D'ailleurs, l'heure n'était pas au rapprochement poétique.